une histoire particulière. Parce qu'il est vecteur de rassemblement, le sport occupe une place importante sur les 7 antennes de Radio France. Forte de ses près de 15 millions d'auditeurs, Radio France accompagne tous les grands événements sportifs. C'est donc tout naturellement que Radio France est la radio officielle de la Coupe du Monde féminine de football. Du 7 juin au 7 juillet, les antennes de Radio France suivront de près les performances de l'équipe de France féminine dans sa course vers l'étoile et valoriseront le parcours de ses ambassadrices françaises. À cette occasion, avec Clément Salézard et Anna Schmuck, nous remontons le temps avec l'histoire de la toute première équipe de football féminin. C'est le stade Elisabeth, oui. Porte d'Orléans, 14e arrondissement parisien. Féminin Sport, c'est un club qui a été créé en 1912 et au début, les membres du club devaient s'entraîner dans des lieux privés, ce qui est compliqué parce qu'il faut payer les lieux, etc. Jusqu'à la construction du stade Elisabeth, qui a été favorisé par Louly Sannois, qui est la créatrice de l'école, l'équivalent d'HEC pour les filles. Donc qui s'est rapprochée de Femina Sport et qui a trouvé un financier pour créer ce stade et qui a permis ensuite à Femina d'avoir des locaux qui appartiennent au club, et ce qui facilite le développement ensuite du club pendant les années de la Première Guerre mondiale et les années qui suivent. Apparemment, selon les archives, il y a eu un petit conflit avec des clubs masculins qui ont voulu un peu prendre la main sur le stade Elisabeth et prendre la place de Femina Sport, qui a résisté et qui est encore là aujourd'hui. Les pionnières du ballon rond, par Clément Salzar et Anna Schmuck. Femina Sport, premier âge d'or. Alors les équipements sportifs se résumaient pratiquement au départ à un grand espace situé à la Porte d'Orléans. Un grand stade en terre battue, avec tout autour des tribunes en bois, des vestiaires en bois aussi. Et puis, sur ce grand espace, les femmes donc, se retrouvaient régulièrement pour pratiquer leur sport préféré et favori. Alors, en reprenant ces installations du début du siècle, il n'y a plus aucune comparaison. Lorsqu'on regarde de la fenêtre du siège social et qu'on voit le stade Elisabeth, il n'y a plus aucune comparaison. Daniel Leclerc et sa sœur Lucienne Siegel, ancien président du Femina Sport. Bah, disons que pour les photos, c'est vrai que on voit des jeunes femmes avec des grandes robes pour la gymnastique. On voit des jeunes femmes avec des shorts qui arrivent presque aux genoux, des grandes chaussettes et des grands t-shirts qui descendent. Mais très élégantes aussi. Mais très élégantes, tout à fait. Bicolores pour le football. Avec un bonnet, tout à fait, et un petit béret. C'est vrai que c'est très élégant. C'est vrai que ça, par rapport à maintenant, c'est amusant, je dirais, par rapport à maintenant. Mais c'est très... Enfin, ça remet les choses dans le contexte. On croit toujours que le football féminin est une invention de dernière minute. Ah, là, pas je du vois tout. 1920, on a des matchs de championnat avec le Femina Sport, fait. Qui a remporté d'ailleurs le championnat contre Marseille dans ces années-là. C'est un club de femmes. Floris Caston-Vicente, historienne. C'est un club qui accepte d'avoir des moniteurs hommes et des soutiens hommes, ainsi qu'un directeur général qui est Pierre Pessé, qui est un des co-créateurs de Femina Sport. Par contre, c'est un club qui va décider d'avoir un comité directeur uniquement féminin. Donc une présidente, une trésorière, une secrétaire générale. Et c'est une méthode qui permet de préserver l'autonomie de ce club féminin et qui va ensuite être exportée à la fédération féminine, donc la FSFSF, qui elle aussi va voter dans ses statuts d'avoir un comité de directeurs uniquement féminin. Vestiaire. Paulette Leblond, ancienne joueuse, au micro de Thierry Beauchamp. Un petit monsieur énergique. Et quand on arrivait, il fallait nous lui montrer nos chaussures, si on avait bien nos crampons. Tous les unes après les autres. Voilà, monsieur Payessé. Il pensait que voir son équipe à PEC. Il était content parce qu'on avait des résultats quand même satisfaisants. Et il était fier de son équipe. Il est vrai que l'origine même du club, si son nom est Femina Sport, son origine provient, j'allais dire, d'un homme, Pierre Païssé, qui était donc champion du monde de gymnastique à Athènes, et qui, avant de venir à Femina Sport, était lui-même entraîneur ou directeur technique dans un très grand club et très vieux club de Paris qui s'appelle En Avant de Paris et qui existe encore. Et puis, il est parti d'En Avant de Paris avec quatre femmes qui étaient en avant. Et puis, il a créé en 1912 un club qui s'appelle donc Femina Sport, dont le nom a passé plus de 100 ans, avec une activité première très très forte qui était donc la gymnastique. Alors ce qui est important, je crois, que c'est de remettre dans le contexte du début du siècle, 1900, des femmes qui décident de faire de la gymnastique, qui décident de partir de chez elles, qui décident de laisser les enfants, de ne pas faire la cuisine et de dire ben, on va faire du sport. Il fallait le faire, il fallait vraiment avoir la volonté et la moelle de le faire. Puisque le club est passé très vite de 4 au départ pour atteindre dans ses plus beaux jours 3100 adhérents, ce qui était énorme. Hein. Nos sœurs shootent, dribblent, font des chandelles et des merveilles, écrit le journal La Presse 10 ans après le premier match ayant opposé deux équipes de 11 joueuses. Les deux équipes, menées par les grandes championnes Suzanne Liebrard et Thérèse Brûlé, appartiennent à la même association sportive, Femina Sport. Alice Mia, grande figure du mouvement sportif féminin, préside le Femina Sport dès 1915. C'est grâce à son zèle militant et aux performances des joueuses que la pratique par les femmes de ce sport traditionnel fief de la virilité se développe sur tout le sol français. De Paris à Marseille, en passant par la Gascogne, de nombreux clubs sont fondés, si bien qu'une fédération des sociétés féminines sportives voit le jour en 1917, sous la présidence d'Alice Mia, toujours. Les sportives aussi auront leur compétition. Avril 1918, la fédération organise ainsi le premier championnat de France de foot dit féminin. C'est alors une première mondiale. Femina Sport remporte le premier titre national face à En Avant, autre club parisien phare, et c'est le premier titre d'une longue liste. Les pionnières du foot seront 11 fois victorieuses et ramèneront 3 fois la coupe La Française, Porte d'Orléans. Dans les années 20, quoi, je me dis, mais comment elles ont fait, quoi ? Comment elles ont fait ? Annie Fortems, pionnière des années 70. Elles ont commencé en 17, je crois que le premier match de foot, en plus pendant la guerre, quoi. Le premier match de foot de Femina Sport, elles ont joué entre elles d'ailleurs, elles ont fait un match, c'était entre elles. Bah, au moins, elles ont réussi à être 22, elles. Mais voilà, en 1917, le premier match au Femina Sport, je me demande comment elles ont fait. Voilà, comment elles ont pu avoir l'idée de jouer au foot à cette époque-là. Enfin, il y avait les JO qui existaient déjà. Si, il y avait déjà le Tour de France au début du siècle. Et déjà le football qui explosait déjà avant-guerre, masculin. Mais enfin, quand on voit que ces filles, ces femmes... C'était pendant la guerre et qu'elles ont tenu la boutique, quoi, je dirais. Hein. D'ailleurs, il y a eu un appel du gouvernement de l'époque, juste au début de la guerre, en août 14, un appel du président du conseil, je crois, qui appelait les femmes à tenir la France, quoi, pendant que les hommes sont au front. Donc déjà, moi, je suis admirative, de toute manière, de ce que les femmes ont fait pendant la guerre. Hein. Parce qu'il faut remettre dans le contexte que c'était que la femme. Hein. Elle était pas loin d'être un objet, hein. Donc on a demandé aux femmes de tenir la baraque, un peu de tenir la boutique, de tenir la Maison France, quoi, pendant que les hommes étaient en train de servir de chair à canon. Et elles l'ont fait, quoi. Elles l'ont fait. Et donc déjà, moi, j'ai une grande admiration pour mes grands-parents, ma grand-mère, mon grand-père, enfin bon. Bon, et toutes ces femmes de l'époque. Donc... je m'inscris clairement dans leur filiation. Mais quand je dis ça, j'ai un peu gênée, quoi, parce que pour moi, ce qu'elles ont fait, c'est énorme. Le héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle. Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Pierre de Coubertin. On a pas mal de photos sous les yeux d'archives de Femina Sport. Floris Caston, Vicente. Elle était où la photo d'Alice Mia, justement? Déjà On n'a pas de date hein, pour cette photo. Mais du coup, on voit Alice Mulia qui pose avec l'équipe de football de Femina. Donc, en tant qu'ancienne présidente de Femina Sport et présidente de la fédération féminine, elle vient poser avec ses joueuses qui donc portent toutes le béret réglementaire et le polo aux couleurs de Femina Sport et donc leurs shorts qui leur arrivent mi-cuisse. Et Alice Mulia, elle, qui apparaît avec son petit chapeau de présidente. Alice Mulia, il se trouve qu'elle arrive à des fonctions de présidence de la fédération, de présidence de la fédération internationale également, alors qu'elle est issue des classes moyennes, ce qui est assez rare à cette époque-là, hein, parce qu'à la tête des fédérations sportives, on trouve généralement, déjà des hommes, hein, mais aussi issus généralement plutôt de l'aristocratie ou de la très très haute bourgeoisie. Donc on la voit dans des vêtements assez sobres, assez modestes, et du coup elle essaie de présenter une image de sérieux et d'autorité, notamment elle aura à négocier en tant que présidente de la Fédération internationale avec les puissants aristocrates du CIO, du Comité international olympique. Il faut qu'elle ait l'air respectable. Le sport féminin est sans cesse accusé d'encourager l'impudeur, voire la débauche et le lesbianisme. Donc voilà, son rôle, en tout cas le rôle qu'elle se donne, c'est aussi celui de se présenter comme une femme qui représente l'autorité et qui inspire la confiance vis-à-vis du grand public et des autorités. Alors là, on reconnaît différentes joueuses qui sont à l'époque, donc dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, qui sont souvent championnes dans différentes disciplines. Donc c'est la spécialisation est considérée comme mal vue. Donc la sportive idéale est considérée comme multisport. Donc on va retrouver également les championnes de lancer de poids, de lancer de javelot, de course de sprint. On va les retrouver également dans les équipes de foot. Donc là, on les voit prendre la pause équipe par équipe. Donc c'est pas très varié parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup d'équipes différentes. Et d'ailleurs, au tout début, Femina Sport est obligé de jouer contre Femina Sport, de faire une équipe A, une équipe B. Donc on les voit prendre la pause en équipe, les bras croisés. Et on voit qu'elles portent des bérets, parce que c'est considéré comme plus pudique pour les femmes de pas jouer cheveux au vent, mais de jouer avec un béret qui cache leur chevelure. Sinon, elles ont des polos à manches longues et des shorts. Elles ont quand même déjà à cette époque-là des shorts qui leur arrivent mi-cuisse et qui sont sombres. La fédération insiste régulièrement à cette période-là pour que les tissus soient suffisamment épais et sombres pour qu'on ne voit pas trop à travers, pour que tout ça reste pudique, parce que la question de la pudeur, c'est une question sur laquelle le sport féminin est beaucoup attaqué à cette période-là par ses opposants. Et déjà, ce short donc, qui arrive au-dessus du genou, quand même légèrement, il est déjà scandaleux. Il y a tout type de critiques qui sont faites, en particulier sur ces footballeuses qu'on trouve trop masculines, mais qu'on trouve aussi trop impudiques. Donc, au début des années 20, on a, dans le tennis par exemple, hein, on commence à raccourcir les jupes, mais on est encore en robe de soie, alors que bon, les footballeuses, elles ont aussi ce côté plus masculin et un peu plus populaire avec ces gros shorts. On parle d'exhibition. Voilà. Dans la presse. On parle de sportives impudiques, on parle d'exhibition. Et on parle de spectateurs, voyeurs, qui viendraient uniquement pour regarder les cuisses des sportives et absolument pas leurs performances. Et oui, dans la presse, il y a régulièrement des critiques sur ces femmes. On voit cuisses au vent, ce genre de commentaires sur les sportives en général, mais c'est vrai particulièrement dans les sports masculins, elles sont plus attaquées parce qu'elles sont plus transgressives, notamment les footballeuses, effectivement. Thank you. J'étais secrétaire chez Renault, mais avant de rentrer chez Renault, et alors un jour, le monsieur qui travaillait avec moi m'a dit « Mais pourquoi ne viendrais-tu pas au stade? Tu as 17-18 ans, c'est bien, t'es costaud, enfin apparemment. » Et c'était notre moniteur, monsieur René Bourgeois. Monsieur René Bourgeois qui a fait l'équipe à Femina Sport. Et j'y suis resté très longtemps parce que petit à petit, forcément, je ne savais pas shooter, rien du tout. Il a fallu apprendre, c'était lui notre moniteur, et puis pour nous classer, tout ça. Je suis gauchère et j'étais arrière-gauche. Il faut avoir ça dans le sang parce que pour résister, je ne me suis pas mariée même, vous voyez, beaucoup à cause de ça. Va faire ton football, va. J'étais fiancée, j'ai rendu la bague. Vous voyez, ça m'a tout pas gâché, dans le fond, parce que maintenant, on compte beaucoup plus les divorces que les mariages. Mais enfin, je regrette pas, quoi. Je regrette pas, parce que j'aurais pu avoir des enfants, comme tout le monde, quoi. Avoir une vie, ça, c'était un peu en dehors de tout, parce que la vie, dans le fond, c'est vrai, j'avais pas de parents. Maman était décédée, elle avait 34 ans. Alors, vous voyez, j'avais donc pas de parents, ni père, ni mère. Le père était parti depuis longtemps. Et c'est le sport qui m'a pris. Et j'y suis restée. Et il n'y a que ça de vrai. Mais il faut être courageux. Un peu de courage. Il faut du courage. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas écouter les uns. Il ne faut pas écouter les autres. Et j'ai beau le dire, il n'y a que ça de vrai. Si aujourd'hui j'ai cette santé, et c'est grâce à ça. On craint que les sportives refuse de se marier et refuse de faire des enfants. Donc ça vient de présupposer sur le fait qu'une femme qui ferait du sport se masculiniserait et donc ensuite refuserait d'endosser le rôle social qui est celui qu'on attribue aux femmes à cette époque-là, donc se marier et avoir des enfants. Ce qui est d'ailleurs un sujet particulièrement tendu après la Première Guerre mondiale qui a eu pour conséquence de nombreuses morts, et donc il y a une insistance dans les années 20 sur le fait que les femmes doivent faire beaucoup d'enfants. Et ça crée notamment beaucoup de critiques envers le sport féminin qu'on accuse de créer des femmes stériles ou alors des mauvaises mères. Donc c'est un discours qu'on retrouve également pas mal dans les discours médicaux, hein. Les médecins s'inquiètent de la fécondité des femmes sportives. Et donc, que ce soit à Femina Sport ou que ce soit à la Fédération Féminine, il y a tout un discours qui est porté par les dirigeantes, par des femmes médecins qui les accompagnent, sur le fait que les sportives peuvent rester féminines, rester jolies, se marier, avoir des enfants. Et il y a des rubriques spéciales dans la presse de la fédération qui insistent sur le fait que, oui, les sportives se marient aussi. Donc dès qu'il y a une grande championne qui se marie, on en parle, on insiste là-dessus. Dès qu'elle a un enfant aussi, on insiste là-dessus. On insiste sur le fait que l'idée que les sportives ne se marient pas et ne font pas d'enfants sont des préjugés, que dans la réalité, elles peuvent devenir de bonnes mères de famille, et même qu'au contraire, le sport permet de faciliter l'accouchement, etc. Donc il y a vraiment une volonté parmi les gens qui défendent le sport féminin à cette époque-là de contrer ces critiques et donc de mettre en avant les mariages et les naissances autour des sportives. Alice Midia, elle fait partie des personnes qui vont porter ce discours nataliste et maternaliste. Donc ça peut paraître étonnant à notre époque, mais en fait ça l'est pas tellement à cette époque-là. Alice Midia, elle va se battre pour une égalité dans la pratique du sport, en tout cas la possibilité pour les femmes de pratiquer les mêmes activités que les hommes et de les pratiquer également en compétition. Puisque le fait de participer à des compétitions était aussi parfois particulièrement mal vu, puisque les sportives à ce moment-là se donnent en spectacle, qu'elles sont donc toujours en short. Donc effectivement, donc face à ça, que ce soit Alice Miga ou que ce soit les autres dirigeantes ou les sportives et les championnes elles-mêmes, il y a un discours qui se développe à l'inverse pour rassurer le public, rassurer les dirigeants pour qu'ils continuent à soutenir le sport féminin, rassurer les parents pour qu'ils n'aient pas peur d'inscrire leurs filles à des cours de sport, etc. Bien maintenant, mes chers amis, c'est Marie-Thérèse Ekem que vous allez entendre. On a toujours considéré que le sport était plutôt une activité que devaient normalement préférer les hommes, mais qui n'était pas une activité très féminine. Alors elles sont heurtées à vraiment une opinion qui était très défavorable, surtout dans les débuts. Et d'ailleurs, il est curieux de remarquer que la plupart des premières sportives ont été des féministes. Et ceci se comprend parce qu'il fallait, pour braver l'opinion, avoir vraiment beaucoup de caractère et se moquer des autres. Et c'était les mêmes qui réclamaient en général leur indépendance. Leur indépendance, ou au moins à cette époque, c'était celle qu'on appelait les suffragettes, elles demandaient l'égalité de vote, n'est-ce pas ? Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des accords de prix entre... le journal La Française, qui est un journal féministe modéré, qui est proche d'une association féministe, qui va financer une coupe de football, qu'on appelle donc la Coupe La Française, et qui permet là aussi, bon, financer une compétition, ça permet toujours davantage de rencontres et un meilleur développement du sport. Alors les féministes s'y intéressent parce qu'elles voient dans le football et dans le sport en général une manière de présenter les femmes de manière active, moderne, de montrer qu'elles sont capables de soutenir un effort physique, mais aussi de garder leur sang-froid et de montrer des qualités de stratégie également sur le terrain, qui sont autant de qualités physiques et psychologiques qu'on leur nie assez régulièrement à cette période-là, et qui d'ailleurs servent d'argument pour leur nier le droit au suffrage. Donc effectivement, on est dans une période historique où le féminisme n'a clairement pas pour priorité le sport, hein, a clairement pour priorité le droit de vote avant tout, et du coup, on n'entend pas souvent parler de l'intérêt des féministes de cette période-là pour le sport. Mais c'est un intérêt qu'elles ont aussi parce qu'elles peuvent faire un parallélisme parfois dans leur argumentaire entre le droit à l'égalité dans le sport et le droit à l'égalité au-delà. Souvent, en plus, il se trouve que les dirigeantes du sport féminin ou celles qui viennent aider ont aussi une place importante dans le mouvement féministe, donc on les retrouve, on les retrace assez facilement. Par contre, pour les joueuses, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que à Femina Sport, il y a pas mal de championnes qui d'ailleurs étaient à l'origine à la fondation de Femina Sport, hein, les sœurs Brûlé et où les sœurs Liebrard étaient à la fondation de Femina Sport. Ensuite, elles ont pris une place importante également à la FSFSF et sont devenues de grandes championnes, donc qui en plus avaient un attrait médiatique et l'ont utilisé pour porter la parole de la fédération et essayer de diffuser le sport féminin dans les médias. Donc là, on est sur des championnes qui sont réellement impliquées aussi en tant que dirigeantes du sport féminin et qui vont chercher à défendre l'égalité dans le sport, pas forcément au-delà. Fatia Terfous, sociologue. C'est vrai qu'il y a une filiation entre accès des femmes à la pratique sportive et féminisme, mais cette filiation, elle est discutée parce qu'on peut penser que la participation des femmes au sport et au football traditionnellement masculine, hein, pratique masculine, révèle ou en tout cas met à jour une forme de... Oui, d'indépendance, d'autonomie des femmes par rapport à des normes traditionnelles qui pèsent sur celles-ci. Mais en même temps, on peut aussi avoir une autre lecture et penser à une forme d'intégration ou d'incorporation de la domination masculine dans la mesure où, par exemple, le football porté par ces femmes, comme Alice Millar et d'autres mécènes, vont faire en sorte d'adapter la pratique aux femmes. Les rencontres qui s'organisent selon le modèle masculin voient Laurence Prudhomme-Poncé, des adaptations de, ancienne joueuse de la réglementation et historienne. De nombreuses atténuations sont ajoutées aux règles du jeu. La durée du temps de jeu est réduite, 1 heure au lieu d'1h30. Le terrain est réduit à ses dimensions minimales. La charge est interdite. Les joueuses ont le droit de se protéger la poitrine avec les mains. La mixité est interdite. On voit ainsi que le foot obéit à l'impératif de modération qui est imposé aux femmes. Tout ce qui peut rappeler le jeu masculin, ces gestes un peu rudes, est supprimé afin de rendre le jeu praticable par les femmes. Donc l'idée, c'est d'avoir un football plus doux, plus adapté au tempérament et à l'organisme féminin, qui pourra ainsi être vu sans laideur par les spectateurs, écrit Paul Boucher. Malgré les critiques, dans les années 20, il y a une sorte d'âge d'or du sport féminin, et notamment du football, où il y a des développements, toujours plus de licenciés, toujours plus de compétitions. Donc une dynamique très très positive qui va cesser dans les années 30 et décliner. Et donc dans les années 30, on est dans une période de montée des idéologies réactionnaires dans l'Europe entière. Donc on est dans une période difficile et plutôt de régression de manière générale pour les droits des femmes, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit pour le mouvement féministe lui-même. Et dans ce contexte-là, les politiques, le gouvernement, va décider de cesser de subventionner la fédération. D'abord, on réduit le budget, puis on le supprime. En plus de ça, Alice Millar, elle, doit gérer également la fédération internationale, pour laquelle c'est aussi compliqué. Donc dans les années 30, on va rentrer dans une période de crise générale, que ce soit un international, pour la fédération, au niveau du sport féminin. Le football féminin disparaît dans les années 30, et puis il est ensuite formellement interdit à Vichy, alors qu'en réalité, il avait déjà disparu, et il ne réapparaît que dans les années 70. C'était les pionnières du ballon rond, Femina Sport, premier âge d'or. Avec Floris Castan-Vicente, Fatia Terfous, Annie Fortens et Laurence Prudhomme-Poncé. Au pôle nord, des tropiques au tréport, de nos tueurs à nos terres, y'en a pas deux comme moi. Comme joueuse de rugby, je battrai, j'aurai gui, de Lézignan jusqu'à Bègle, y'en a pas deux comme moi. Comme raquette de tennis, je vaux mieux qu'Hélène Wills, je suis plus vite que la Doumègue, y'en a pas deux comme moi. Je fais de la boxe, je danse le fox, entre autres exploits. Je fais de la lutte, je chahute, et voilà pourquoi. Je me moque des lois, des préjugés bourgeois. Je suis l'exception à la règle, y'en a pas deux comme moi. Archivina, Clarie Monac, Emmanuela Dubessy. Documentation musicale, Romain Couturier. Coordination, Christine Bernard, avec la collaboration de Thibaut Terrani. Prise de son, Olivia Granger. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Anna Smuk. La suite du documentaire sur les pionnières du ballon rond, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.